Esther chapitre 4. Or, quand Mardochée eut appris tout ce qui avait été fait, il déchira ses vêtements, et se couvrit d'un sac de cendres, et il sortit par la ville, criant d'un cri grand et amer. Et il vint jusqu'au devant de la porte du roi, car il n'était point permis d'entrer dans la porte du roi, étant vêtu d'un sac. Et en chaque province, dans les lieux où la parole du roi et son ordonnance parvint, les Juifs furent en grand deuil, jeûnant, pleurant et se lamentant, et plusieurs se couchaient sur le sac et sur la cendre. Or les demoiselles d'Esther, et ses eunuques, vinrent et lui rapportèrent ces choses, et la reine fut fort affligée, et elle envoya des vêtements pour en vêtir Mardochée, et afin qu'il ôtât son sac de dessus lui, mais il ne les prit point. Alors Esther appela Attach, l'un des eunuques du roi, lequel il avait établi pour la servir, et elle lui donna charge de savoir de Mardochée, ce que c'était, et pourquoi il en usait ainsi. Attach donc sortit vers Mardochée en la place de la ville, qui était au devant de la porte du roi. Et Mardochée lui déclara tout ce qui lui était arrivé, et l'offre de l'argent comptant, qu'Aman avait promis de délivrer au trésor du roi, à cause des Juifs, afin qu'on les détruisît. Et il lui donna une copie de l'ordonnance qui avait été mise par écrit, et qui avait été publiée dans Susan, afin de les exterminer, pour la montrer à Esther et lui faire entendre le tout, et lui recommander d'entrer chez le roi, pour lui demander grâce, et lui faire requête pour sa nation. Ainsi Attach revint, et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Et Esther dit à Attach, et lui commanda de dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi, et le peuple des provinces du roi savent qu'il n'y a ni homme, ni femme, qui entre chez le roi, au parvis de dedans, sans y être appelé, et que c'est une de ses lois, de le faire mourir, à moins que le roi ne lui ait tendu le sceptre d'or, car en ce cas-là il a la vie sauve. Or il y a déjà 30 jours que je n'ai point été appelé pour entrer chez le roi. On rapporta donc les paroles d'Esther à Mardochée. Et Mardochée dit confie cette réponse à Esther, ne pense pas en toi-même que toi seul d'entre tous les Juifs, échappe dans la maison du roi. Mais si tu te tais entièrement en ce temps-ci, les Juifs respireront et seront délivrés par quelque autre moyen, mais vous périrez, toi et la maison de ton père. Et qui sait si tu n'es point parvenu au royaume pour un temps comme celui-ci? Alors Esther dit confie cette réponse à Mardochée. Va, assemble tous les Juifs qui se trouveront à Susan, et jeûnez pour moi, et ne mangez et ne buvez de 3 jours, tant la nuit que le jour, et moi et mes demoiselles nous jeûnerons de même, puis je m'en irai ainsi vers le roi, ce qui n'est point selon la loi, et s'il arrive que je périsse, que je périsse. Mardochée donc s'en alla, et fit comme Esther lui avait commandé.